Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose. L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et cette fois-ci, exceptionnellement, ce n'est pas une exposition d'art dont nous parlons, mais une exposition historique. Une exposition qui se trouve en ce moment à la Chapelle des Trinitaires à Arles, une exposition documentaire, et qui éveille notre attention sur un personnage que je ne connaissais pas et que peu d'entre nous connaissaient. Il s'appelle Antonelle. C'est un aristocrate et un révolutionnaire. Et à son propos, un livre vient d'être édité par Pierre Cernat, Antonelle, aristocrate et révolutionnaire chez Actes Sud. Il est publié il y a quelques mois et ce livre est passionnant et c'est une véritable peinture et d'une époque et d'un personnage plein de paradoxes. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Pierre Cernat. Bonjour Pierre. Bonjour Jean Deloisy. Alors vous êtes un grand historien, professeur à la Sorbonne. Vous avez dirigé pendant 10 ans l'Institut d'Histoire de la Révolution Française et vous êtes un spécialiste de cette période et vous avez découvert, vous allez nous raconter comment, ce personnage qui avait un petit peu échappé, me semble-t-il, à l'attention des historiens. Et il a échappé à l'attention des historiens parce que lui-même a contribué à effacer des traces derrière lui. C'est un homme de secret, c'est un homme qui a fait partie de conspirations, des vraies conspirations pour le coup, hein. Et c'est un homme, en fait, traqué par toutes les polices, police de la République, police du directoire, police du consulat, police de l'Empire, surtout, et police de la Restauration, s'il en est. Ça fait six moments, grands moments successifs de l'histoire, d'une histoire incroyablement tourmentée, qui en font un homme à abattre, en fait. Qui en font un homme à abattre, un homme traqué, un homme parfois animalisé, un homme qui est recherché, qui a des ennemis à Paris, qui a des ennemis en Provence, qui a des ennemis aussi un petit peu partout, et qui apprend à se cacher. Et qui détruit derrière lui tout ce qui pourrait le compromettre. Mais si vous êtes intéressé à ce personnage, c'est qu'il a inventé quelque chose qui vous paraît extrêmement important, me semble-t-il, en lisant votre livre, qui est le concept de démocratie représentative. Voilà, cette banalité aujourd'hui, qui est un petit peu la tarte à la crème, critiquée, malmenée de nos institutions et que on utilise à tort et à travers, en attendant de façon tout à fait simple, est un concept difficile à comprendre au XVIIIe siècle, au moment où il naît. Si vous voulez, vous avez deux représentations du politique à la fin du XVIIIe siècle, telles que la République qui naît au mois de septembre 1792 va les mettre en jeu et en scène. C'est la République par la représentation, la République des députés, celle du fameux abbé de Sieyès, qui n'imagine pas une seconde que la France, pays de 28 millions d'habitants, puisse être une démocratie. Et donc, seule la représentation, et justement par filtrage économique, permet aux meilleurs, aux notables, de faire la loi. Et puis, d'un autre côté, on a un modèle quasi utopique, mais qui va être en partie réalisé pendant la Révolution, qui est le modèle hérité de la littérature de Rousseau, qui est la démocratie directe, avec une culture, ou au moins une mythification du modèle athénien. Mais représentation et démocratie ne vont pas en place. Or justement, on va avoir de la part d'Antonelle, donc en 1797, dans un journal mural, puisque à l'époque il existe aussi des journaux muraux pour tous ceux qui ne peuvent pas lire et qui se font lire le journal. Est-ce que c'est le journal des hommes libres ou c'est autre chose ? C'est un autre journal. C'est un journal qui va s'appeler d'abord le Démocrate constitutionnel, ouais. Couleur jaune, car à cette époque-là, la gauche radicale à la couleur jaune pour elle. Et c'est dans ce journal qu'il va petit à petit essayer ce concept bricolé, cette espèce d'arrangement entre ces deux thèmes-là, et inventer l'expression de démocratie représentative. Donc qu'est-ce qu'il en espérait ? C'est une représentation égale de l'ensemble de la population ? Voilà, tout à fait. Alors une représentation égale, moins la moitié de l'humanité, puisque Antonelle, pourtant proche de la condition féminine, n'ira pas jusqu'à imaginer des femmes électrices. Mais il sera quand même un des défenseurs d'un ce que j'appelle le suffrage masculin élargi, c'est-à-dire donner la possibilité à tous les hommes majeurs, quel que soit leur statut économique, de pouvoir voter. Mais la démocratie représentative, ce n'est pas que le vote. C'est aussi, bien évidemment, l'éducation gratuite. C'est aussi l'éducation laïque à cette époque-là. Non, l'État ne s'est pas séparé de l'Église en 1905. Le premier régime français à se séparer de l'Église, c'est le Directoire. C'est la fin de la Convention en 1794. Et jusqu'en 1802, jusqu'au Concordat, la République sera séparée de l'Église. Donc une éducation gratuite, laïque et obligatoire. Et puis surtout, une liberté d'expression, une liberté de la presse et une liberté de réunion qui avait été restreinte après la Terre. Et une vision européenne déjà, non ? Il n'y a pas l'idée d'une représentation des peuples européens Merci de me le faire rajouter. Nous sommes sur une vision qui n'a rien à voir avec une république nationaliste, avec une France étriquée, avec une France xénophobe. Au contraire, dans cette vision de démocratie représentative, l'idée de construire une Europe fédérale des peuples, c'est lui qui l'emploie, hein, cette expression. C'est pas moi qui l'a créée au début du XXIe siècle. Une Europe fédérale des peuples qui réunirait patriotes bataves, comme l'on dit à l'époque, patriotes helvétiques, patriotes cisalpins, patriote romain et patriote napolitain est au cœur de son projet. Et il imagine même un parlement des nations européennes. Nous sommes en 1789. Son projet est presque valide encore aujourd'hui, non ? Ah, je pense qu'il nous construit un horizon d'idéalité qu'il faut encore rejoindre lorsqu'il parle de politique de bienfaisance de la nation, de sécurité sociale, de caisse mutuelle pour les ouvriers. Nous avons un programme d'une modernité assez sidérante. Alors, dans quelques instants, on va entendre une petite lecture de ce qu'on en disait en 1818. Hein, ça, c'est Michaud, dans sa biographie des hommes vivants par ordre alphabétique, donc en 1816. Mais peut-être auparavant, puisque ce dont parle Michaud est un personnage incomplet, je suppose. Comment est-ce que vous en êtes venu là ? Qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a amené plus loin ? Qu'est-ce qu'on ne savait pas et qu'est-ce qu'on a retrouvé ? Ben, je vais vous faire un aveu qui vous donnera peut-être l'impression que j'ai l'esprit tordu. Ce qui m'intéressait, en fait... On est entre nous, hein, on est entre nous et personne ne nous écoute, tout va bien. Tout jeune historien, ce qui m'intéressait, c'était le rapport entre littérature et histoire. Et donc, vous me jugerez comme vous le voudrez, mais ce qui m'intéressait, c'était la littérature libertine du XVIIIe siècle. Et plus particulièrement, j'aggrave mon cas, le cas du marquis de Sade. Or, le marquis de Sade n'est pas un mythe, n'est pas une légende, c'est un homme en chair et en os, si je puis dire, et qui a vécu comme un noble provençal. Et donc, il faut bien le dire, comme l'on dit à l'université, mon maître, Michel Vauvel, donc, m'a beaucoup aidé en me mettant sur la piste de ce qu'on appelait à l'époque, il y a une trentaine d'années, les nobles déclassés. Ces nobles libertins, donc, qui, au lieu d'être sérieux, au lieu de s'occuper d'agronomie, au lieu de s'occuper des affaires de l'État, ne pensent qu'à une chose, c'est trousser les demoiselles de Provence, et bien souvent dans des façons beaucoup plus violentes qu'on ne l'imagine, pour ne pas justement mythifier Sade. Donc la question que je me pose immédiatement, c'est est-ce que Sade cache une forêt ? Est-ce qu'il y a beaucoup de libertins en Provence ? Et en fait, très vite, je me rends compte que derrière quelques notables personnages, comme Mirabeau ou le marquis d'Argens ou le marquis de Sade... Qui eux sont plutôt libertins. Oui. Il y a ce personnage d'Antonelle, dont les turpitudes, les vices sont répétées par les notices biographiques du XIXe siècle. Tout le monde se recopie, hein, et tout le monde refait des erreurs. Et on dit qu'il est perdu de vice, que c'est un homme qui a des mœurs détraquées. C'est pas exactement votre impression. Quand on lit votre livre, vous en parlez un tout petit peu, à un moment, vous en parlez très bien d'abord, mais vous en tirez un signe paradoxal qui recouvre carrément sa vie politique. Oui. Comme s'il y avait là une clé, non pas dans sa perversion, parce que je pense que ça serait un jugement, ni même dans un libertinage exagéré, mais peut-être dans sa disposition. Tout à fait. Je crois que contrairement donc aux hommes qui éprouvent leur virilité dans le système de la domination vis-à-vis de leurs amantes, on a avec Antonelle, 50 ans avant sa kermazoche, l'expérience sexuelle qui est exactement le contraire. C'est un homme, il est libre, majeur et manifestement ses amantes aussi, qui ne jouit que sous les soufflets, les gifles, hein, portés le plus fortement sur ses joues. Bon, à chacun sa manière d'atteindre le 7e siècle. Le 7e siècle, c'était un petit peu en arrière. Mais on a en fait avec Antonelle une expérience sexuelle de la douleur qui est à mon avis très intéressante parce que tout le monde s'accordent sur le fait que c'est un homme qui a un très beau visage. Et je pense que pour un aristocrate qui est privé... Il y a un portrait de lui d'ailleurs dans l'exposition. Qu'on a retrouvé grâce à l'exposition, comme quoi les expositions servent aussi à retrouver des documents disparus. C'est un homme qui écrit à ses amantes ou à son amante, la comtesse de la Chapelle, « Je fais l'amour, tu fais la guerre ». Et il l'écrit, hein. On n'est pas, c'est très net, on n'est pas en 1968. Donc, ce slogan-là est inventé par Antonel, donc, en 1787. Et à mon avis, il en retire une expérience dialectique politique que, 20 ans après, Hegel retournera dans l'expérience du maître et de l'esclave. Celui qui domine véritablement, c'est l'esclave parce qu'il a la conscience de sa servitude. Et je crois que dans un espace, celui de la France, de la monarchie absolue, ne l'oublions pas quand même, ou n'existe pas, comme en Angleterre, par exemple, un espace d'opinion publique, je crois que l'expérience dans le boudoir de cette soumission lui fait prendre conscience tout à coup de ce qu'est être un inférieur dans une relation. Et je pense, c'est une hypothèse. C'est de l'interprétation, mais c'est intéressant. Mais c'est une hypothèse que je soutiens parce que c'est au même moment qu'il découvre le matérialisme de l'abbé de Condillac et qu'il devient violemment anticlérical et qui le fascine absolument parce que c'est une philosophie de la sensation. Oui. Et c'est une philosophie du choc aussi. Pragmatique, voilà. C'est un grand personnage de l'époque. On avait même demandé à ce qu'il éduque les dauphins, les enfants du roi. Bien sûr. Ce qu'il avait refusé d'ailleurs. Oui, mais pour ne pas refuser, en revanche, d'élever les enfants du duc de Florence. Donc on a là un personnage très très très important. Et je crois que cette expérience de la sensation, cette expérience du choc, fait prendre conscience à Antonel de ce qu'est un ordre hiérarchique. Alors c'est intéressant. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a un autre masochisme, c'est complètement anachronique comme Oui. m'en excuse, mais chez Antonel, c'est d'être riche et aristocrate, de prendre le parti du peuple, de voter la mort de l'aristocratie, on peut le dire. Ça. Est-ce que ce n'est pas aussi un masochisme d'être toujours à contre-pied de ce qu'il est? Être un homme libre, c'est couper avec son passé. Être un homme libre, c'est savoir couper avec ses racines. Être un homme libre, c'est savoir, à un moment donné, assumer une rupture. Cet homme-là est dans la rupture. Cet homme-là est un révolutionnaire au sens premier du terme. C'est-à-dire que riche à centaines de milliers de livres, c'est un homme qui peut aller à cheval, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, d'Arles à l'étang de Vacarès, sans même quitter ses terres. Donc tout on a fait 30 kilomètres, là, quand même. Tout socialement, le déterminerait à être dans sa caste, tout socialement le déterminerait à défendre l'ancien monde. Et pourtant, il va rompre au nom de la liberté et au nom d'une vraie philanthropie. Alors vous savez, je vous ai posé une question il y a quelques minutes, on a fait un sacré détour, puisque je vous demandais si vous aviez trouvé quelque chose qui vous avait poussé, après ces études que vous avez décrites, sur le libertinage provençal en particulier, autour du Marquis de Sade, dans l'esprit du Marquis de Sade, est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur Antonel qui fait que tout d'un coup, ça valait le coup de s'y mettre et de faire sortir ce personnage? Il y a eu des lettres, il y a quelque chose qui est réapparu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors écoutez, pour l'historien, alors pour le citoyen, je n'en sais rien, mais pour l'historien, quelque chose est indéniable, heureusement que la police est là. C'est-à-dire que nous sommes au printemps 1796. Vous savez qu'on fête mai 68 en ce moment. Hein, donc Oui, je le sais un petit peu. Je suis un petit peu professeur à la Sorbonne et je le sais un petit peu. La police défend une forteresse vide. Nous sommes en 1796, au printemps 1796, et la police du directoire se rend bien compte qu'il y a des conspirations, il y a des groupes secrets à la gauche de l'échiquier politique qui sont en train d'organiser peut-être un renversement du pouvoir. On ne le sait pas. Et en réalité, Antonel est un homme très proche de Babeuf à ce moment-là, donc il va faire partie du directoire secret de la conspiration. Et en fait, à cause de trahison, comme dans tous les secrets, il ne le reste jamais très longtemps dès que deux personnes sont au courant du secret, il y a un mouchard, il y a en fait un policier infiltré dans le directoire secret qui va les dénoncer. Et la police va mettre les scellés sur l'appartement d'Antonel, et là va prendre en vrac des centaines et des centaines et des centaines de feuilles griffonnées, écrites par Antonel, vont être mises dans deux boîtes, vont servir à l'arrêter. Il fera partie des fournées donc de démocrates arrêtés et qui iront siéger. Il faudra qu'on y revienne parce que c'est cette conjuration des égaux et la position d'Antonel que vous alliez décrire, mais nous sommes toujours loin de ce que vous avez découvert. Il faudra qu'on y revienne parce que son attitude a été hallucinante, c'est-à-dire que vous nous raconterez tout à l'heure comment il est retourné en prison pour pouvoir réorganiser la défense des conspirateurs. C'est exactement cela. Volontairement. C'est un homme qui a un double habitus. C'est un homme qui a constamment deux visages. C'est un homme qui possède, et tout le monde le dit d'ailleurs, la voix, le ton le plus poli, la langue, même la douceur, précieuse, et la douceur même. Et c'est d'un autre côté un homme qui a un autre visage, celui qui a fait un choix exclusif de se ranger au plus près des enragés de la Révolution pour mettre à bas l'ancien monde. Et quand vous dites de la Révolution, c'est y compris la Terreur. Y compris la Terreur, puisqu'il occupe une place non négligeable dans l'institution la plus redoutable, la plus effrayante, n'ayons pas peur des termes, de la Terreur, le tribunal révolutionnaire. Et donc pourquoi faisiez-vous l'éloge de la police? Parce que grâce à la police qui va prendre tous ces papiers donc vont être réunis dans des boîtes, amenés à Vendôme où se tient le procès donc des babouvistes, et ensuite bien évidemment donc ces documents vont être rangés au ministère de la Justice, qui livrera donc ces deux boîtes aux archives nationales et qui vont dormir là pendant 200 ans. Antonel a perdu toute sa correspondance amoureuse, il a perdu tous ses papiers sur Condillac, il a perdu tous ses systèmes philosophiques, il a perdu toutes ses notes. Donc, grâce à la police, en fait, Antonel aurait sûrement brûlées, et il a dû en brûler encore beaucoup plus, ont été conservées. Et vous les avez retrouvées ? Oui, car elles sont rangées dans la série W. Mais vous êtes le premier à les avoir... Non, je ne suis pas le premier, il faut être honnête. Mais je suis le premier à les avoir lus de façon systématique, à les avoir classés de façon systématique et d'en avoir tiré autre chose que m'arrêter aux quelques lettres spectaculaires, érotico-spectaculaires, où on renforce la mauvaise réputation d'un personnage qui est d'une richesse intellectuelle et d'une puissance de réflexion tout à fait remarquable. Il y a une deuxième découverte que vous avez faite, me semble-t-il. Après ce qui a été conservé par la police, et donc sauvé par la police, il y a une famille qui a conservé aussi des documents, et pratiquement des documents amoureux, me semble-t-il. Un amour tardif. Est-ce que je me trompe ? Non, pas du tout. Ça, c'est le bonheur d'organiser une exposition dans un endroit comme Arles, le département des Bouches-du-Rhône et la Provence, qui sont des terres pétries de culture, de savoir-dire, et encore d'une grande culture orale. Et donc, préparer l'exposition m'a amené à deux découvertes que j'attendais éperdument. C'est d'abord que, pour vos auditeurs qui sont habitués à des expositions, donc qui sont amateurs d'art, Antonel n'a laissé de lui aucune image. Nous n'avons aucun portrait, alors que tout le monde a été quasiment portraituré pendant la Révolution française, ou a gardé une caricature, ou bien un dessin, ou bien un portrait, rien sur Antonel. Eh bien, pendant l'exposition, en fait, le bouche à oreille a permis en fait de retrouver et de quasi identifier un tableau, donc par l'expertise de conservateur du patrimoine, donc un tableau qui avait été transmis dans une famille républicaine depuis le début du 19e siècle comme étant celui du chevalier d'Antonel, et tout semble concorder pour l'attribuer. En attendant, c'est un très très très beau tableau qui a été exposé. Première découverte, mais de la deuxième découverte. Alors, ce sont les descendants donc du maire d'Arles en 1817, qui arrange la succession d'Antonel et qui va se servir au passage, Perrin de Jonquière. Et j'ai découvert, non loin de Manosque, dans un château dont un domaine viticole tout à fait remarquable, donc la dernière correspondance amoureuse d'Antonel, qui avait été conservée et un petit peu cachée par la famille, il faut le dire, mais qui me l'a très généreusement reprêté, et je leur en suis très reconnaissant pour l'exposition, et qui raconte la dernière aventure amoureuse d'Antonel à 68 ans. L'homme est encore vert, il se cache en Provence parce que tous les royalistes d'Arles veulent lui faire un mauvais sort avec la seconde restauration de Louis XVIII, et il tombe amoureux de la femme du maire d'Arles, qui s'appelle, je vous le donne en mille, Césarée, magnifique prénom. Dont il voulait être le Jules. Donc, deux grands amours dans sa vie, et surtout, et peut-être beaucoup plus important, effectivement, une réinvention du politique extraordinaire, faite avec un courage admirable et des positions d'une radicalité totale. Écoutons ce qu'on dit en 1816, c'était avant votre intervention, parce que vous êtes beaucoup plus jeune, ce que dit Michaud dans sa biographie des hommes vivants à l'époque. Sans justifier les principes, car il n'avait pas de principes, ou plutôt les opinions d'Antonel, nous pouvons assurer qu'il n'était ni ambitieux, ni vindicatif, ni sanguinaire. C'était un épicurien, un libertin, un cerveau brûlé dans toute l'étendue du terme. On l'a vu se promener sur les remparts d'Arles, coiffé d'un mouchoir et d'une robe de chambre. D'autres fois, marchait tellement sur les bords d'un fossé que ses pieds en étaient mouillés. Michaud, Biographie des hommes vivants, 1816. Nous sommes sur l'art et la matière et exceptionnellement, nous parlons curieusement d'un grand personnage historique dépeint remarquablement dans un livre Antonelle, aristocrate et révolutionnaire de Pierre Cernat, paru aux Actes Sud. Et nous entendions à l'instant une description du 19e siècle, début du 19e siècle, sur ce personnage. Pierre Cernat, qu'en pensez-vous? On a l'impression que c'est un original qui se balade un peu de façon excentrique et c'est un doux perdu, c'est ça? Voilà, le XVIIIe siècle a aussi produit ce genre de personnages à la marge. Et c'est ce qui m'a intéressé, comment la marge dit le centre et vice-versa. On a avec Antonelle un personnage qui est, non pas connu, mais qui est tout de même repérable dans la société tout à fait multicolore du XVIIIe siècle, que j'appellerais le débraillé. Antonelle n'a pas besoin de paraître. La société d'Ancien Régime est une société du paraître. Vous êtes le spectacle que vous renvoyez. Et très vite, Antonelle, qui est un officier raté, qui est un cadet, qui est en rupture de banc, qui n'arrive pas à trouver... Quand vous dites qu'il est cadet, ça veut dire que par sa famille, il a été envoyé dans ce métier d'officier armes, qui ne l'intéresse en rien du tout. Et visiblement, il est médiocre. Il est bien que protégé par les Breuils. Il est médiocre et ne cherche pas à s'améliorer. C'est-à-dire qu'il est un officier qui aurait pu être un bon officier, mais il préfère lire la philosophie et lire des traités de mathématiques, donc ça cadre mal avec la volonté d'oxyre son prochain. Et puis très vite, il y a cette volonté de renverser les codes, et je crois que renverser les codes au XVIIIe siècle, c'est déjà assumer le fait d'être mal habillé. Et d'ailleurs, tout le monde le lui reproche, sa mère, son frère, les gens de la bonne compagnie d'Arles qui se réunissent dans des salons et qui le voient arriver avec l'habit de l'homme des Lumières, l'habit de l'écrivain des Lumières, celui que porte par exemple Diderot, c'est-à-dire sa houppelande ou bien sa robe de chambre tachée d'encre, tachée de traces de café. Et lorsque Antonelle a à s'expliquer auprès de son amante qui lui dit « Mais tout de même, dès que tu as le dos tourné, on dit du mal de toi », il dit « Que m'importe le mal qu'on dit de moi, puisque tu connais la vérité de mon cœur, tu me connais nu ». Seul cela m'importe. Donc il y a déjà une sorte de recherche de la vérité dans la négligence de soi. Donc il abandonne l'armée, il se passionne pour la philosophie. Vous parliez tout à l'heure de Condillac, mais il y a également, je suppose, Rousseau, Diderot... Locke, Voltaire, Montesquieu... On a retrouvé, Hume. Grosso modo, la liste de ses lectures. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que généralement, mes collègues fonctionnent ainsi. Ils ont des inventaires à prédécès de bibliothèques. C'est agréable, un inventaire à prédécès, mais on ne sait pas... Si vous avez acheté le livre pour le lire, 2, on ne sait pas si vous l'avez lu, et 3, on ne sait pas si vous l'avez compris, même si vous l'avez lu. Tandis qu'avec Antonelle, moi j'ai une chance d'historien absolument remarquable. J'ai le cheminement inverse. J'ai tous les commentaires d'Antonelle sur Hume, Locke, l'abbé de Condillac, Mably, Rousseau, Montesquieu, et les grands philosophes de l'Antiquité. Parce qu'il se passionne aussi pour l'Antiquité. Ah, bien sûr, ouais. On a Épicure, Plutarque, bien sûr, Sénèque, Cicéron, tous les grands penseurs politiques de l'Antiquité. Donc, il se fabrique une culture classique avec une certaine difficulté, parce qu'à l'époque, semble-t-il, à Arles, c'était assez difficile de se procurer les livres, vous le dites dans votre... C'est d'autant plus difficile qu'il fait constamment appel au célèbre libraire juif de Tarascon, qui lui envoie moult livres, parce qu'il dit « Je crève à Arles, c'est un désert culturel. » Si je puis le transcrire de cette façon-là. Et donc là, sa philosophie se construit et il a quoi? Il a 30 ans, 35 ans? Entre 30 et 40 ans, là. On est au moment de la Révolution française, un petit peu avant? Avant, entre 1782. Il donne sa démission du Bassigny Infanterie en 1782. Et pendant 7 ans, il va dévorer des livres et se construire une culture que nous appelons désormais, dans notre jargon, une culture des Lumières radicales. Et donc là, il commence à écrire ses premiers textes sur le tiers-état, je suppose. Comment sont ses premiers textes? Alors, sa découverte, en fait, de la contestation et de sa dissidence, c'est ainsi qu'on peut l'appeler, de sa rébellion contre l'Ancien Régime, passe par une observation de la justice. C'est en fait le mauvais fonctionnement des parlements, le mauvais fonctionnement de la justice, et l'extrême sévérité des peines, voire les peines afflictives sur le corps. On roue les condamnés, on pend les hommes, on peut les démembrer... la torture va être supprimée, mais simplement à la fin du règne de Louis XVI, en 1787. Donc c'est en fait la justice, c'est le regard sur la justice, et la lecture de Beccaria, évidemment, donc, est un des best-sellers oubliés de cette époque-là, donc, qui demande l'abolition de la peine de mort, qui demande que les peines soient strictement liées au délit. Qui est ce Beccaria dont vous parlez ? C'est un philosophe italien qui va en fait révolutionner la conception que l'on a de la justice, en expliquant que la justice n'est pas là pour punir, mais pour réintégrer en fait la personne qui a fauté dans la société. Donc toute peine doit avoir un sens social et doit punir le délit, et en attendant pas la personne qui a commis le délit. Et Antonelle a un choc en se disant mais cette justice et cette royauté dont on a oublié en fait qu'un des sens de la royauté c'est pour le roi de rendre la justice, puisque les parlements rendent la justice au nom du roi, ça ne fonctionne pas. Et puis le deuxième constat, c'est quand même le social. Pardon de le dire, mais Arles est une ville qui a été très bouleversée par la dernière peste de la France en 1720, qui s'en remet encore difficilement deux ou trois générations après. Arles est une ville de 24 000 âmes, à l'intérieur de laquelle, il faut que vous vous en rendiez compte, 10 000 personnes sont quasiment quotidiennement aidées parce que ce sont des pauvres personnes. Elles sont à la porte. Vous dites que c'est une des villes où il y a le plus de pauvreté en France à ce moment-là. Oui, je dis même que Arles est un petit tout de la France, parce que Arles a une situation exceptionnelle, puisque Arles est séparée du reste de la France par les deux bras du Rhône. À cette époque-là, d'ailleurs, Arles se sent isolée, tant et si bien que Arles s'imagine d'ailleurs une petite république aristocratique, bien évidemment, une république aristocratique, avec ses consuls, d'ailleurs. Et Arles est une agroville. Donc il y a tout à Arles. C'est un laboratoire de la France d'Ancien Régime. Il y a des paysans, il y a des pêcheurs, il y a des marins, par la rupture de charge du Rhône. Et il y a aussi une bourgeoisie commerçante, il y a aussi une forte présence du clergé, il y a une noblesse, et il y a ce petit peuple qui crève littéralement de faim. Pourquoi devient-il aussi violemment anticlérical à ce moment-là ? Ah, je crois que c'est le matérialisme, et je crois que... C'est le matérialisme écrit par un prêtre, parce que Candillac était prêtre. Oui, il était prêtre comme Antonelle était officier, c'est-à-dire qu'il obéit à une règle familiale, et comme le frère de Condillac, qui est l'abbé de Mably, était lui aussi prêtre, mais par obligation familiale. Et on a là deux des personnages les plus, en fait, anticléricaux de l'histoire du XVIIIe siècle. Je crois que c'est petit à petit la découverte progressive de la philosophie d'abord de Locke, puis de Condillac, puis de Diderot, en fait, qui l'amène vers le chemin du matérialisme. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez comment, de cette culture qui se fabrique, de ces positions qui commencent à prendre, il va se retrouver projeté au cœur de la Révolution française. Mais peut-être écoutons simplement ce qu'il écrit en 88 ou 89, un texte qui s'appelle « Catéchisme du tiers-état à l'usage de toutes les provinces de France et spécialement de la Provence ». Il parle donc du tiers-état. Le tiers-état est le père nourricier de l'État, son défenseur le plus généreux. Le père nourricier par l'agriculture, le commerce, les arts, qu'il cultive lui seul pour le profit de tous. Le défenseur, en se vouant à tout, en sacrifiant tout, sans autre rétribution, sans autre espérance que 5 sous, l'hôpital et la mort. Antonelle, Catéchisme du tiers-état, 1788-1789. Vous écoutez L'Art et la Matière et vous êtes sur France Culture, et nous parlons de ce personnage Antonelle, aristocrate et révolutionnaire, en compagnie de l'historien Pierre Cernat, qui vient de publier une biographie magnifique chez Actes Sud. Nous l'entendions donc parler du tiers-état, des travailleurs en fait, hein, qui nourrissent, qui font le travail pour les autres. Oui, deux remarques si vous me le permettez, je vous en remercie. D'abord, c'est un texte qui est antérieur au texte que connaît tout le monde, qu'est-ce que le tiers-état de la BCIS. Oui. C'est tout à fait remarquable, donc, parce qu'il ne profite pas de cette vague qui est initiée par d'autres catéchismes qui seront écrits à la suite de la BCIS. Deuxième remarque, de quel tiers-état parlons-nous ? Le tiers-état est tellement différent, polymorphe, mais Antonelle a l'intuition, en fait, que dans le tiers-état, il y a un haut tiers-état, et ce qu'il va appeler aussi avec Un autre homme qui se rapproche d'Antonel, Dufourny de Villiers, qui vont évoquer au-dessous du tiers-état, le quatrième ordre. C'est-à-dire celui de ceux qui n'ont rien, celui de ceux qui n'ont que leurs bras les pour misérables. Vivre. Les misérables, effectivement, donc, et qui sont un petit peu oubliés par l'élite du tiers-état. Antonel, très vite, et pour comprendre sa radicalité, il faut aussi se représenter ce qu'est mentalement l'espace d'Arles. Et donc, ça peut aussi intéresser vos auditeurs soucieux d'art et d'architecture et d'urbanisme et de patrimoine. Arles est une ville absolument extraordinaire parce qu'elle est restée dans la sédimentation de sa couche archéologique ancienne, de sa couche médiévale, de sa couche d'histoire moderne. Et finalement, c'est la pauvreté d'Arles qui l'a protégée et qui en fait aujourd'hui un écrin absolument remarquable, digne des éloges du patrimoine mondial. Dans cette ville-là, il y a une division que chacun connaît s'il connaît Arles, c'est la place de l'Hôtel de Ville, qui est avec, au nord, le quartier aristocratique, la Hauture, et au sud, le quartier qui fait aujourd'hui le délice des estivaliers qui vont aux rencontres photographiques d'Arles, qui s'appelle le quartier de la Roquette. À cette époque-là, le côté bobo qu'a ce quartier aujourd'hui n'est pas celui-là. C'est un quartier de petites gens, de pauvres gens, de très modestes personnes, et voilà, une fois de plus, donc l'incongruité de ce personnage Antonel. Antonel a pratiquement le seul hôtel particulier noble dans la rue la plus pauvre d'Arles. Donc ce n'est pas un discours simplement intellectuel ou abstrait que se construit Antonel sur la politique. Quand il sort de chez lui, il a des dizaines de personnes éclopées, infirmes, de pauvres, de femmes-mères. Il aide tout le monde. C'est un grand charitable. Alors, je ne vous laisse pas dire cela, Jean Dolosy, c'est un grand bienfaiteur. C'est l'Église qui fait la charité. Merci c'est de l'Église. Reprendre. Non, mais je ne vous reprends pas, mais c'est Antonel qui parle au travers de moi. La société d'Ancien Régime ne vit, et encore, il faut le dire et il faut le reconnaître, que grâce aux largesses de l'Église, mais qui ne sont pas gratuites. Ce qu'essaie de faire Antonel, c'est déconstruire une sorte de bienfaisance. C'est-à-dire essayer d'anonymiser le plus possible ses dons. Certes, il donne dans la rue, mais on sait que ce bouffeur de curé donne beaucoup à toutes les sœurs qui ont des couvents dans lesquels elles accueillent les pauvres. Et on ne le saura qu'au moment de sa mort, lorsque on lira son testament. Alors, dites-nous comment ce personnage, dont on commence à découvrir la complexité, devient un des grands rôles de la Révolution. Comment est-ce qu'il va être projeté au cœur de la scène parisienne, dans ces grands moments de 92, de la terreur, des grands tribunaux Alors d'abord, merci de me poser cette question-là, parce que sinon on comprend pas cette espèce de mystère ou cette espèce d'astéroïde qu'est Antonel dans la carrière de 1789 à 1799. Il vit en 10 ans, de 42 à 52 ans, l'équivalent de 4 ou 5 vies de nos contemporains, par exemple. Bon, il devient tout de même, et ce n'est pas rien, le premier maire d'Arles. Et Arles, c'est une ville qui compte dans la rupture de charge du Rhône. Et si vous représentez mentalement la carte des Bouches-du-Rhône et du sud de la France, il faut aussi comprendre quelque chose. C'est que la révolution dans le sud de la France, c'est pas simplement les riches, les pauvres, les nobles, les roturiers. La révolution, c'est de suite, en Provence, les vieux souvenirs, les vieilles querelles de la guerre de religion qui vont réapparaître. Parce qu'on est entre Nîmes, qui est la protestante, Avignon, qui est la grande catholique, et qui est autonome d'ailleurs. Bien sûr. On parle toujours trop peu de cette place, des querelles religieuses qui sont fondamentales pour comprendre l'histoire de France. Bon, on a compris qu'aujourd'hui, on est dans la réconciliation. Je n'en dis pas plus. Mais à cette époque-là, le religieux pose déjà problème. Et donc, très vite, à Arles, c'est en fait la question de la Révolution, c'est pour ou contre la constitution civile du clergé. Et vous imaginez que ce bouffeur de curé va créer en fait une société affiliée immédiatement aux Jacobins de Paris, la Société des Amis de la Constitution d'Arles, et très vite, deux hommes vont s'opposer. Deux hommes à très forte personnalité, à très fort caractère, à très fort charisme. Antonel, pour le petit peuple d'Arles, et Monseigneur Dulot, qui mourra hélas massacré pendant les massacres de septembre 1792, qui est l'archevêque d'Arles, un archevêque des Lumières d'ailleurs, un homme assez éclairé, mais qui est bien sûr contre la constitution civile du clergé. Donc les camps sont très fortement liés. Et là-dessus va apparaître le cas d'école d'histoire des relations internationales qui va faire radicaliser et qui va faire basculer l'histoire de la Révolution, le statut d'Avignon. Avignon est terre étrangère dans la France. C'est une terre papale. Et donc, Avignon est divisé entre les patriotes d'Avignon qui voudraient rejoindre la France, puisque désormais chacun est libre de choisir sa patrie, selon l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est une déclaration universaliste, cosmopolite. Et au contraire, on a dans le comtat venessin toute une population qui veut rester sous le giron du pape. Ça va conduire à la première guerre civile, bien avant la Vendée. Et Antonelle va participer auprès des apatriotes avignonnais au combat pour que Avignon redevienne en fait française. Et Antonelle va avoir là une célébrité. Robespierre parlera de lui à l'Assemblée constituante. Antonelle devient le maire français qui défend la cause des avignonnais. Comment est-ce qu'il arrive à Paris ? Alors, on monte dans la carrière politique, si je puis m'exprimer ainsi. Nous sommes au printemps 1791, il est maire donc depuis un an et demi, il a été élu en 1790, et il gravit un échelon supérieur en devenant député des Bouches-du-Rhône. Donc il arrive à la législative, tout auréolé de son courage pour le combat de l'indépendance ou du retour d'Avignon dans la nation française, et son aura doit être assez grande, j'imagine, pour qu'il soit élu, dès le début de 1792, président de la Société des Jacobins, au moins pour 15 jours. On ne peut pas être président plus de 15 jours, mais il va être président des Jacobins. Alors, c'est les Jacobins, c'est important. Alors, les Jacobins, donc, c'est le club politique le plus radical de la législative, à l'intérieur duquel on va voir d'abord les Brissotins, donc, c'est-à-dire les partisans de Brissot, demander d'abord la guerre et donc l'entrée en République. Puis, une fois que la guerre fratricide, ou la révolution qui va devenir un événement fratricide, va éjecter les Brissotins du club des Jacobins. Ça va être le lieu où les députés montagnards, donc ceux qui se trouvent dans la montagne, c'est-à-dire qui demandent les mesures les plus radicales, vont en fait animer et stimuler la vie politique française à partir de ce qu'on appelle la terreur ou le gouvernement révolutionnaire. Et là, il va aller aussi au tribunal. Il va être l'un député à l'Assemblée, mais aussi juré au tribunal révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est que ce tribunal révolutionnaire ? Bon, ce tribunal révolutionnaire, c'est en fait une des institutions les plus sombres et les plus radicalement sévères de ce que je préfère appeler le gouvernement révolutionnaire plutôt que la terreur, puisque c'est un mot qui reste politique, mais qui n'a pas désigné d'institution. En fait, devant la situation effroyable dans laquelle se trouve la France au printemps 1793, donc... Parce qu'elle est attaquée de toutes parts, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Souvenez-vous les paroles de Victor Hugo, 1793, l'Europe contre la France contre Paris. Et je crois que le génie de la langue de Victor Hugo n'exagère en rien. 60 départements sur 83 sont en opposition à Paris, donc la guerre est civile, et la guerre extérieure fait qu'il y a une formidable coalition contre la France, dont la première puissance mondiale à l'époque, qui est l'Angleterre, l'équivalent des États-Unis aujourd'hui. Donc, toutes les données objectives diraient que la révolution est un échec, elle va perdre et elle va en fait être balayée. Donc, dans cette situation d'urgence extrême, alors on peut le critiquer, bien sûr, ou on peut se dire, mais il n'y avait pas d'autre solution. Quelques dizaines de milliers, parce que là c'est un mythe, hein, la France n'est pas encore républicaine, mais quelques dizaines de milliers d'hommes vont se dire, maintenant, c'est la liberté ou la mort. Et on va créer des institutions absolument redoutables et terribles. On va inventer ce que Robespierre assume, faisant référence à la République romaine, la dictature de la liberté. Nous sommes obligés de mettre en place la dictature de la liberté. Alors bien sûr, je comprends qu'avec notre sensibilité d'hommes et de femmes du XXIe siècle, on puisse être effrayé, voire le critiquer. Mais à cette époque-là, il faut gagner la guerre, il n'y a pas d'autre choix. Donc on va créer un comité de salut public, qui est en fait une sorte de méga pouvoir des députés. Et Antonelle va participer à tout ça. Oui, alors Antonelle participe à tout cela, et de façon grave, pourrait-on dire, de façon sombre. Conséquente, en même temps. Oui, de façon très conséquente, puisque Antonelle, sous la pression des sections parisiennes qui demandent que la justice devienne exemplaire, ça veut dire qu'elle soit terrible. Et rapide. On demande en fait la refonte totale du tribunal révolutionnaire, qui jusque-là a été assez bonasse, pourrait-on dire. Mais à partir de septembre 1793, ça change. On met en place 5 équipes de 12 jurés. Antonelle en fait partie, et ces jurés ont pour mission d'épurer, c'est-à-dire d'aller au plus vite et de dire si oui ou non les personnes qu'on leur présente sont coupables. Et là, on peut dire que né en France, il faut l'avouer, il faut le reconnaître, c'est aussi le travail de l'historien, une justice politique, une justice idéologique. Une justice politique, puisque, une justice sanglante. Une justice sanglante, puisque là, j'ai fait le... On n'a pas besoin d'être contre-révolutionnaire ou anti-révolutionnaire. Je suis républicain et démocrate, je rassure tout le monde, mais pour faire des calculs, et c'est mon métier d'historien, les taux de pourcentage de létalité, c'est-à-dire de personnes qui sont condamnées à mort quand on passe devant un jury ou Antonel et quelques autres sont là, parce qu'il n'y a pas de tirage au sort. Hein. Quand on veut que quelqu'un y passe, on met Antonel et quelques autres, sont vraiment très haut, c'est un homme qui est redoutable. Et il va participer au grand procès politique de la Révolution, c'est-à-dire du mois d'octobre et novembre et décembre. Il va participer au procès de la Reine, il va participer au procès des Girondins, il va participer au procès des grands généraux, il va participer au grand procès politique. Jusqu'à Marie-Antoinette. Jusqu'à Marie-Antoinette. Il votera pour ça avec hésitation. Pas d'hésitation. Pour Marie-Antoinette, bien qu'il ne plonge pas dans les ragots infects qui sont racontés pendant le procès de Marie-Antoinette. Il ne participe pas à ça, mais il est d'une sévérité totale. Je pense que c'est un homme, à ce moment-là, qui règle ses comptes avec sa caste. On est un peu loin de la bienfaisance dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait, ça fait partie en fait du paradoxe du personnage, mais je crois que, vous me permettrez de dire cela, même si vous n'êtes pas d'accord, et vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, je pense que l'homme connaît très bien le second ordre. Il n'y a pas d'histoire de la révolution sans histoire de la contre-révolution. Il n'y a pas d'histoire, en fait, de la radicalité révolutionnaire sans compréhension de ce qu'est la contre-radicalité de la contre-révolution. Antonel connaît très bien ce monde-là et il sait très bien, d'après son point de vue, que si on ne détruit pas les anciennes racines de l'ancien régime, on ne construira pas ce qu'il veut par-dessus tout, un nouveau monde. Écoutons ce qu'il dit justement sur le roi. Observation sur le compte-rendu au roi par M. de Bourges, l'un des commissaires civils envoyés à Arles. C'est Antonel qui écrit cela et il s'adresse au roi en le tutoyant. Quoi qu'il en soit, la loi constitutionnelle t'a réputé infaillible et cette fiction te constitue inviolable. Je ne rechercherai pas jusqu'à quel point il peut sembler absurde ou supportable, dangereux ou indifférent, de voir un représentant infaillible dans un fonctionnaire public non élu, dans un fonctionnaire public héréditaire. De profonds penseurs ont affirmé que cela devait être indispensable. À la bonne heure. Roi des Français, dis un dernier mot à ta femme, à tes ministres, aux réviseurs de l'acte constitutionnel. S'ils trahissent un jour les grands intérêts que tu parais leur abandonner, s'ils abusent de toi-même et cherchent à livrer la nation, alors certes, tous les fanatismes unis, Rome et Koblenz, Madrid et Vienne, le sacerdoce et les couronnes, ne les soustrairont pas à la justice éclatante du plus généreux des peuples si lâchement abusés. Ta femme et tes ministres périront les premiers sous le glaive des lois. Le peuple ensuite marchera, s'il le faut, vers tous les trônes. Antonel, observation sur le compte-rendu au roi par M. de Bourges, 1792. Vous êtes sur France Culture et nous parlons d'un personnage étonnant dans l'art et la matière qui n'est pas un artiste pour une fois, c'est un révolutionnaire, c'est Antonel, un grand intellectuel, un grand politique, un grand révolutionnaire. Et nous venons d'entendre ce qu'il adresse au roi. À ce moment-là, il est ou il va être l'un des jurés du tribunal révolutionnaire et il va participer à la condamnation dans ce cadre très particulier qu'on a appelé, Pierre Cerna, vous serez peut-être pas d'accord sur ce mot-là, la terreur. Et il va être lui-même, à un moment donné, mis en difficulté au cœur même de la révolution. Oui, alors nous sommes justement dans l'après-terreur, donc Robespierre et ses acolytes ont été exécutés et les données stratégiques changent. Les meneurs de la veille deviennent en fait les traqués du nouveau régime qui est le directoire. Donc les thermidoriens vont littéralement inventer une nouvelle terreur, pire que la précédente, je ne veux rien qu'est-ce minimiser. Qu'est-ce qu'on appelle les thermidoriens Ceux qui ont supprimé Robespierre, ceux qui ont exécuté les proches de Robespierre, et ceux qui, ne voulant pas revenir à la monarchie, veulent conserver une république mais sans démocratie. Donc c'est ce qu'on va appeler au XIXe siècle la République bourgeoise, c'est-à-dire la République des notables, la République des propriétaires, la République en fait de ceux qui s'appellent déjà à l'époque les honnêtes gens. Les fameux parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le directoire va être une déception pour Antonel, parce que c'est un triomphe bourgeois. Tout à fait. C'est en fait une défaite de la République qui ne porte pas ses promesses, qui n'est incapable d'assumer en fait ce qu'elle avait promis, c'est-à-dire en fait une plus grande démocratie. C'est une République sans démocratie. Il n'y a pas de représentativité, il n'y a pas d'égalité, il faut être propriétaire, c'est la République des propriétaires en fait. C'est exactement cela. Et c'est à l'intérieur donc de ce programme que Antonel, fidèle à ses idées, parce que les Thermidoriens sont de l'invariable, il se fait appeler l'invariable. Oui, tout à fait. L'un s'appelait l'incorruptible, mais lui se fait appeler l'invariable, justement, ne change pas de sa position, donc il pourrait en profiter, mais non. Il reste auprès des plus humbles, cette fois-ci non pas des Arlésiens, mais des Parisiens. Et à ce moment-là, et là je poursuis mon idée d'un homme qui a un double habitus, une double identité, un double visage, il va mettre au service de la démocratie sa façon et sa manière de connaître les us et coutumes de la noblesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? La noblesse, en fait, est une caste qui fonctionne sur des codes silencieux. On les a parce qu'on les a appris, et puis après, inutile de les répéter. D'un coup d'œil, on sait qui est le neveu de qui, et qui est apparenté à qui. Et donc, on a là une culture de l'entre-soi dans la noblesse que Antonel, et c'est assez exceptionnel, va transporter dans la conspiration des égaux dite de Babeuf. Il va trouver autour de celui qui s'appelle lui-même le tribun du peuple un savoir-faire de la conspiration qu'il va mettre au service de Babeuf, qui lui n'a aucune culture du secret. Or, ces hommes des Lumières, par la franc-maçonnerie, par les salons, par justement leurs paroles dissidentes, ont appris à tenir des secrets. Vous savez, ce n'est pas un hasard si dans le directoire exécutif de la conspiration de Babeuf, sur 5 ou 6 personnages, 3 sont des nobles. Buonarroti, descendant de Michel-Ange s'il en est, Félix Le Pelletier de Saint-Fargeau, un des hommes les plus riches de France et un des hommes avec les quartiers de noblesse les plus prestigieux de France. Et le grand ami d'Antonel toute sa vie. Toute sa vie. Et en même temps, donc, Antonel. 3 nobles parmi les plus radicaux de l'extrême gauche de l'échiquier politique. Pourquoi ? Pas simplement parce qu'ils sont déclassés, pas du tout, mais parce que eux savent ce qu'est un secret, ils savent s'organiser en petits groupes et fonctionner de façon silencieuse. Et c'est pas le cas de Babeuf qui, lui, est d'ailleurs très touchant parce qu'il y a une fierté de son combat, il y a une volonté d'être contre les ouragans, de recevoir les choses en sa personne. Mais ouais. Oui, je vous rappelle quand même le magnifique livre de Staroubensky, 1789, Les horizons de la liberté. La révolution et la transparence, la révolution, ce sont les lumières. La révolution est le contraire de l'obscurantisme. La révolution est le contraire de ce qui est le secret du roi, qui est la politique du roi. Donc, tout le paradoxe de cette extrême gauche-là, c'est de se réorganiser dans le secret qu'elle a toujours combattu. Babeuf ne comprend pas cette sociologie, ne comprend pas cela, il est mal à l'aise dans le secret, tellement mal à l'aise qu'il a le nom de 230 personnes sous son lit, il a toutes les adresses de ses camarades entre son matelas et le sommier, et ce sera un véritable jeu d'enfant pour la police, alors que des hommes comme Le Pelletier disparaît. La police ne mettra jamais la main sur lui. Buonarroti est arrêté, mais il se démarque évidemment de la stratégie. Et Antonel se cache, il a préparé. Alors, Antonel se cache, mais il comprend que Babeuf amène tout le groupe à sa perte et il s'oblige à aller en prison, en fait, il se dénonce d'une certaine façon, pour aller en prison et organiser la défense. Oui, Antonel a compris en réalité que la République n'a plus besoin de martyrs. Voilà, c'est un homme moderne, dans la mesure où il comprend que Babeuf est dans une stratégie suicidaire qui consiste à dire oui, nous voulions faire un coup d'État et renverser le directoire. En fait, un geste à la romaine, d'une certaine façon, donc risquant la peine de mort, mais qu'il vivra comme un martyr. La preuve, c'est un homme mort hein, qu'on amène à la guillotine. Lorsqu'on va annoncer sa mort, ils vont se poignarder oui, l'un à l'autre. Oui, Garté. Ils se suicident tous les deux. L'objet de Antonel, c'est vivre. Vivre et survivre en républicain. Et il vaut mieux un républicain vivant qu'un démocrate mort. Donc, toute la stratégie d'Antonel, c'est en fait de réinventer la politique, c'est-à-dire de reconstruire la dénégation de la conspiration. Au nom de quoi ? Mais au nom du jeu qu'offre la politique moderne et contemporaine, et qu'a parfaitement compris Antonel, c'est la reconquête légale du pouvoir par le jeu des élections. On n'aime pas la Constitution, mais c'est de l'intérieur qu'on va conquérir la démocratie par le jeu des élections, parce que le Directoire a pris l'immense risque dans sa Constitution de renouveler tous les ans, au mois de germinal, donc nous sommes dans le calendrier révolutionnaire. Un des cinq directeurs ou... Non seulement un des cinq directeurs, mais surtout un tiers de ses représentants, un tiers des députés de la Chambre des 500 et un tiers de la Chambre... Donc ça ne fait que des accords branlants... En même temps, donc, ça fait un régime qui est faible, un régime faible, mais en même temps un régime qui est tout de même le premier régime libéral et parlementaire français. Donc retenons et qui a créé des muséums, qui a eu autour de lui et des grands savants. Et qui a créé l'Institut, en fait continué l'Institut qui avait été inventé les derniers jours de la Convention et qui va inventer en fait une culture républicaine dans laquelle puiseront à pleine brassée, sans le dire, les pères fondateurs de la Troisième République. Les deux chambres, l'éducation libre, la séparation de l'Église et de l'État, tout ça c'est le Directoire. J'allais même dire les préfets, avec les commissaires départementaux envoyés, les ancêtres des lycées avec les écoles centrales. Ce Directoire qu'on accuse beaucoup est tout de même la matrice aussi d'une certaine forme de modernité républicaine. Comment a fait Antonel pour, bien qu'en prison, faire passer des messages, il était protégé? Comment ça s'est... Non, la prison révolutionnaire est très poreuse. Hein. La prison est en fait un lieu où, moyennant quelques sous, quelques livres, quelques francs, après 1795, on peut faire passer des messages. Ce n'est pas le lieu clos que l'on imagine. Et alors ensuite, Antonel, une fois qu'il est libéré, puisque finalement sa stratégie était bonne, on n'a pas réussi à prouver qu'il était un conjuré, ni la plupart de ses amis qu'il a réussi à défendre finalement. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il retourne dans le sud? Non, il reste à Paris et il devient ce qu'on appellerait aujourd'hui le rédacteur en chef de la plus grande feuille démocratique de la presse parisienne et française à ce moment-là, qui est le journal des Hommes Libres. C'est lui qui, à longueur de colonne, va donner le la de l'opposition démocratique, va structurer les grands thèmes, ceux de la défense des républiques sœurs. Parce que là, c'est le moment où il va pressentir, après le Directoire, il va pressentir l'arrivée de Bonaparte. Oui, tout à fait. Et ça ne lui plaît pas beaucoup. Ah, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est un homme qui est assez libre pour résister, en fait, et assez pacifique, malgré la violence institutionnelle qu'il a pu assumer. Assez féru d'histoire romaine pour savoir que le plus grave danger dans une république, c'est le général victorieux. Très vite, Antonel se rend compte en fait que le charisme de Bonaparte est un charisme qui est dangereux pour les institutions républicaines. Antonel, et c'est encore un des signes de sa modernité, comprend que l'histoire républicaine de France va être empoisonnée par les généraux victorieux. Hélas, Bonaparte n'a pas été le seul dans la longue histoire des coups de force ou des coups de canif au contrat républicain. Il sera encore vivant sous la seconde restauration? Oui, tout à fait. Et non seulement il est vivant, mais il est traqué cette fois-ci. Ça, c'est Louis XVIII, donc il apparaît. Bien sûr. Et il doit se cacher. Il doit se cacher. Et où se cache-t-il? Eh bien, auprès de ses fermiers qui l'aiment beaucoup, parce que chaque fois qu'ils ont des dettes, il leur remet les dettes. Vous dites ça. Et quand il rentre à Arles, il se rend compte que ses fermiers lui doivent 27 000 euros, il lui dit bah, écoutez, remboursez-moi ça en 27 ans. Oui, à l'époque, ce sont des francs, 27 000 francs, donc. euros, j'exagère. Ça correspond beaucoup plus que de 27 000 euros. Hein. Et donc, il dit cela, il remet leur dette. Donc, c'est un homme qui est aimé, bien sûr, de ses fermiers et qui le protégeront alors que les royalistes d'Arles essaient de lui faire un mauvais sort. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il va tomber amoureux de la femme du maire. Deux fois amoureux et deux fois une femme mariée. Hein, Et deux fois malheureux également. C'est un homme qui est triste dans ses amours. Vous y avez passé beaucoup de temps à vivre avec Antonel. Vous trouvez que son legs est extrêmement riche? Comment est-ce que vous pouvez résumer un petit peu ce qu'il nous a apporté? Ah oui, je pense que, bon, vous me direz, c'est la part de subjectivité de l'historien qui est tout moins objectif. Ça, je vous le concède bien volontiers. D'abord, il a une vie comme un roman, c'est-à-dire une vie d'avant Hegel, c'est-à-dire une vie comme seul le XVIIIe siècle a pu le permettre, c'est-à-dire une vie d'excentrique, une vie de marginal, et en même temps, sa richesse lui permet d'avoir cette vie-là. Donc c'est tout à fait intéressant comme modèle de liberté. Qu'est-ce qu'un homme libre en ce cinquantenaire de 68? C'est intéressant. Et puis, fondamentalement, ce qui lui est encore dénié, mais que je combattrai pour lui rendre, le concept de démocratie représentative. Je crois que c'est le plus beau legs qu'il ait pu faire aux sciences politiques du XXIe siècle. Et un autre legs qu'il a fait, qui est quand même remarquable, c'est la qualité de son écriture. Quand on lit les extraits que vous avez bien voulu associer à votre livre de ces textes, à chaque fois, c'est puissant, c'est beau. Et je pense que sa correspondance amoureuse est encore plus belle. Alors, je vous propose, Pierre Cernat, pour terminer l'émission, peut-être d'écouter un de ces textes dans le journal des hommes libres dont vous parliez tout à l'heure, dont il était au fond le rédacteur en chef, oui. En quelque sorte. Hein. Nous sommes en 1796. Je ne veux pas en conclure qu'un peuple libre, pour peu qu'il soit nombreux, puisse concevoir la pensée ou nourrir l'espérance de gouverner par lui-même et de réaliser la chimère d'une démocratie de fait, d'une démocratie effective, exercée par 27 millions d'hommes ne formant qu'un seul corps de peuple. Ce ne serait point une impossibilité que ce serait encore une extravagance. Toute cette population délibérante qui nous est objectée se réduit en bonne supputation à une assemblée de 700 à 800 personnes élues par le peuple. Par le peuple, ai-je dit. Car ce mode d'élection ne peut manquer de prévaloir un jour. Ce qu'on appelle la représentation n'est déjà pas en elle-même une chose assez réelle pour qu'on persiste à en affaiblir l'idée en privant les assemblées primaires de leur droit à des élections immédiates. Antonel, Journal des hommes libres, 1796. Vous êtes sur France Culture et nous avons pendant près d'une heure évoqué la très belle figure d'Antonel, aristocrate et révolutionnaire dont le livre de Pierre Cernat nous fait non seulement l'éloge, mais le récit, et c'est effectivement ce que vous disiez, le récit d'une vie incroyable, mais aussi d'une vie amoureuse. Vous aviez commencé tout à l'heure en parlant de Marquis de Sade. Vous pensez qu'il y avait il connaissait les écrits du Marquis de Sade, on les connaissait à l'époque? Oui, bien sûr, le Marquis de Sade est un personnage connu, vilipendé d'ailleurs, et je pense que seul un raccourci réducteur peut rapprocher les deux personnages. Là, pour le coup... C'est un raccourci que ses ennemis ont pu faire. Oui, à un moment sûr, donné, on entend des... Oui, oui, oui. Avant même Sade, on traite Antonel de divin Antonel par rapport aux atrocités qu'il aurait commises au tribunal révolutionnaire. Mais les deux hommes... Il ne s'agissait en fait que de le caricaturer jusqu'à le discréditer absolument. Le seul témoignage pictural qu'on ait de lui, c'est sous la forme d'une tête de sanglier. Incroyable. Voilà, comme on caricature un grand personnage dont nous avons lu toute l'aventure. Merci infiniment, Pierre Cernat, de nous l'avoir raconté. Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose... et l'idée que l'on a de cette chose. C'était L'art et la matière par Jean Deloisy, ainsi devant, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Pierre Cernat pour parler de son livre « Antonel, aristocrate et révolutionnaire », un vrai roman, alors que c'est un livre d'historien, paru à l'automne dernier chez Actes Sud et sujet d'une exposition à Arles qui se tiendra jusqu'au mois de juin prochain. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, Olivier Clavery. Attaché de production, Sylvia Favre. Merci Sylvia. Une émission très bien préparée par Sixtine Deté. Prise de son, Stéphane Desmond. Et Jean-Benoît Tétu. Réalisation, Anne-Laure Chanel. La semaine prochaine, nous recevrons Angela Lampe pour nous parler de son exposition Chagall, Lissitzky, Malevitch, l'avant-garde russe à Vitebsk entre 1918 et 1922, une autre révolution, et qui se tient au centre Georges Pompidou jusqu'au 18 juillet 2018. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot et sa saison au théâtre, et dans quelques instants, Personnages sans personne de Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.